Chapitre 11. Zélé et Kawa se promenaient le long des galeries souterraines, et la pente qu'ils empruntaient démontrait que le couple s'enfonçait davantage dans les entrailles de Nikéas. Les racines phosphorescentes des plantes de la surface ne descendaient pas autant en profondeur. Pour assurer l'éclairage, à chaque carrefour mal éclairé, des réserves de torches étaient disponibles et une tarte en flamme était fixée à la paroi de l'entrée de chaque tunnel. Kawa conjugua une torche éteinte à une incandescente et ils purent poursuivre leur route dans la lumière. Leur démarche était bien plus détendue que le pas soutenu que Zélé avait dû maintenir quand Ormaïn les avait menés vers la trappe secrète, et elle se fatiguait ainsi beaucoup moins. Elle était encore un peu essoufflée, mais ce n'était en rien comparable. À cette vitesse, l'effort supplémentaire que la princesse devait fournir pour soulever ses jambes du sol était à peine notable. Parfois, les parois des galeries comportaient de petits tunnels, creusés par des animaux fouisseurs. Les créatures sortaient de leur trou un instant pour traverser le tunnel et gagner un second trou, situé non loin de là, où s'attardaient un peu à observer les Nikéens. Des jeunes jouaient à se pourchasser. Les plus insouciants venaient jusqu'à se chamailler dans les jambes de Zélé et Kawa. La princesse reconnut quelques espèces qu'elle avait vues lors du banquet venir sans timidité se servir dans les gamelles des convives. Les Nikéens partageant volontiers leur repas avec ses petits compagnons. Le climat dans cette partie de Nikéas permettait à la vie de se développer au travers d'une multitude d'espèces animales et végétales, à l'inverse du pôle nord du Pléas, qui avait une biodiversité restreinte. Leur court séjour ne permettrait pas à Zélé de les observer, comme elle l'aurait souhaité. Elle devrait s'en remettre entièrement au relevé de Zoku. Kawa se montrait très désireux d'en apprendre le plus possible sur Upléas et son mode de fonctionnement. Jamais Zélé n'aurait cru servir à nouveau de professeur dans sa vie depuis les leçons d'utilisation de l'implant U dispensé à Ormaïn. Elle lui raconta les villes et leurs bâtiments cuivrés high-tech, ou les très anciennes cités troglodytiques dans les failles, toujours habitées en dépit de l'avancement technologique qui permettait de vivre à la surface dans des habitations climatisées. Les peuples cosmopolites arpentant les rues de Zélaïdo, les gares au sol et le spatioport en orbite au-dessus du pôle Nord. Pour tout ce qu'elle oubliait de mentionner, son implant lui retournait de nouvelles informations à ajouter à son récit. Zélé regretta que les Nikéens fussent dépourvus de toute technologie, sinon elle aurait pu lui faire visionner son monde et la galaxie entière, et même diffuser un hologramme en trois dimensions de Nikéas et lui montrer où il se trouvait actuellement sur le globe. Si seulement elle avait pensé à prendre son sac dans la soute du vaisseau de Zoku, elle aurait disposé de pastilles à diffusion d'hologrammes, et l'absence de matériel sophistiqué par les autochtones n'aurait plus été une gêne. Elle aurait été en mesure de tout partager avec lui. Elle aurait également pu ingérer une pilule et ne pas se retrouver dans la situation critique actuelle. Le nombre de tâches réalisées avec son implant U était désormais plus limité. Elle se contentait de surveiller l'activité du palais pour n'édonter la moindre trace de soupçon. Zélé était en sursis. Sa connexion au Rezark ne passerait pas la nuit. Ormaïn ne m'a pas dit où se trouvaient les personnages qui vous oppressent. Il a simplement dit qu'il n'était pas très présent dans ce coin-ci, dit Zélé. Ouais, on s'éloigne le plus possible d'eux et les trappes sont dissimulées à des endroits où on ne les a jamais vues. On peut entrer et sortir sans trop risquer notre peau. Et si jamais ils se pointent dans le secteur d'une issue, on la condamne illico. Répondit Kawa. Il m'est difficile de bien tout comprendre. Vous vivez caché, mais ces mercenaires, qui oppressent-ils alors, s'ils ignorent votre présence? Demanda Zélé. C'est du Ormaïn tout craché, ça. Il a toujours peur de se la raconter. Ici, c'est la résistance, ma belle. Les mercenaires savent pas qu'on existe, on a creusé ces tunnels nous-mêmes, et on vit planqués. Pas à leur merci, comme dans les camps de la surface. Une résistance? Demanda Zélé. Comme je te le dis, ma beauté, on est des vrais guerriers. Je sais, ça vous rend incrédule, vous les filles, que des mecs soient capables de s'organiser et de former une communauté sans que l'anarchie prenne le dessus. C'est un pouvoir patriarcal? Demanda Zélé. Je veux. Le contraire serait rudement difficile, il n'y a pas de femelle ici. C'est ce que j'avais cru remarquer. Et puis patriarcal, façon de causer, hein, parce que il n'y a pas de patron. Hein. On prend toutes les décisions ensemble, on se consulte, et quand on est tombé d'accord, on fait les choses comme décidé. Comment ça fonctionne chez toi? Upléas est gouverné par une monarchie matriarcale et un conseil de ministres élu par le peuple entoure la reine et l'aide à prendre les décisions les plus adaptées, expliqua Zélé. Mais ta reine, comment elle arrive au pouvoir? La reine est la fille ou l'héritière la plus proche de la précédente. Voilà, tout le monde se la ferme et c'est le premier rejeton qui prend la place pour devenir à son tour le grand Manitou. Il y a aussi ça chez les commandants des mercenaires, à ce que j'ai pigé. Les héritières sont élevées de la façon la plus sérieuse qui soit. Elles ont parfaitement conscience du rôle décisif qu'elles joueront sur l'avenir de la planète. Et toutes se donnent le plus grand mal pour être à la hauteur. Au tour de Kawa, Zélé avait bien senti que sur Eupléas, il ne faisait aucun doute qu'il appartiendrait à ces groupes de masculinistes qui harcelaient tant sa mère, et elle savait qu'une fois reine, elle serait à son tour harcelée par ses éternels insatisfaits. Bien des améliorations avaient été apportées à la condition des mâles dans la société eupléenne. Mais que pouvait faire la reine quand le peuple continuait d'élire en majorité des femelles au ministère? Zélé savait bien que cette situation arrangeait sa mère, la reine Zenyonuma, car elle n'avait pas une très haute estime des mâles et était persuadée qu'ils étaient incapables de gouverner correctement une planète, ou de prendre une décision valable. Et que si jamais un roi se trouvait en tête du Pléa, sa décadence ne tarderait pas à venir. L'histoire l'avait déjà bien prouvé. Ayant grandi avec les idées et opinions de sa mère, Zélé n'en pensait pas moins. « C'est étrange cette manie que tu as de m'appeler poupée ou ma beauté, » fit remarquer Zélé. « Pourquoi ça ?»« Sur Eubléas, aucun mâle ne s'adresserait ainsi à une femelle, et inversement. J'imagine que tu dis cela naïvement. »« Et alors comment tu veux que je t'appelle, Lupléenne ?»« Cela n'a rien à voir avec mon origine. Il est simplement triste d'entendre ma personne réduite au rang de poupée. » Alors on peut plus s'amuser? Sérieux, comment tu veux que je t'appelle avec ta censure? Zélé suffit. Ou à toi de me trouver un surnom qui sera plus révélateur de ma personnalité. Ok, Tatillonne. Et votre reine, c'est quoi son nom? La reine Zenyonuma Ziwalkobi Yorma. Et son époux, le roi Idlé Idilom Raakile. Mes parents. L'honorable dynastie des Zé qui règne depuis près de 40 générations. Expliqua Zélé. Comment ça, tes parents? Je suis la princesse Zélé Zenyonuma Idlé. Tu veux dire que je suis en train de parler à la future reine de la planète qui va nous sauver du pétrin dans lequel on est? Cela se pourrait bien. Ta grâce. Je te présente mes humbles excuses de méprisable manant. Tu es pardonné. Cela faisait drôle d'entendre de telles paroles prononcées sur un ton si respectueux avec un soupçon de taquinerie et dénué de tout vouvoiement, qui n'existait pas dans la langue nikéenne. La franche camaraderie de Kawa rendait la situation encore plus cocasse, et cela amusait particulièrement Zélé. Il était ouvertement en train de rire du protocole et elle ne pouvait s'en offusquer. Dis-moi si je me trompe, mais Zemiwa avec Kwaido, ça donne Zeido, Zelaido, et puis Zeninuma, Idle, ça donne Zélé. Vous choisissez vos noms selon ceux de vos parents sur ta planète? Finement observé, c'est tout à fait ça, lui répondit Zélé. Pour planter le décor, Zélé aborda la culture eubléenne, les différentes cérémonies et célébrations qui rythmaient la vie de son peuple. La princesse exposa alors celle dont elle était la plus proche, les 5 grandes cérémonies qui ponctuaient le règne d'une souveraine. Le baptême, dont elle ne pouvait pas se souvenir puisqu'il avait eu lieu dans la petite enfance, était la cérémonie qui permettait d'annoncer au peuple eubléen qu'une héritière légitime était née et était en bonne santé. C'était aussi lors de cette cérémonie que son premier nom était proclamé, le nom comprenant la première syllabe du nom de la reine, et la dernière syllabe du nom du roi. À l'âge de 8 ans, l'héritière, comme tout enfant eupléen, créait son nom complet, en plaçant à son bon plaisir les syllabes qu'elle désirait. Zema avait ainsi ajouté Ninu pour devenir Zeninuma. Cependant, Zélé avait fortement été découragée par sa mère dans l'idée de modifier son nom de premier baptême, et elle s'y était pliée. Puis venait la cérémonie d'implantation, dont Zélé se souvenait parfaitement. À cette évocation, elle posa la main sur la perle de rubis logée dans son bras gauche. Ce rite servait à confirmer que l'héritière baptisée serait bel et bien celle qui succéderait à la reine. Avec les progrès de la médecine, on pouvait être sûr dès le baptême que l'enfant baptisé serait la même que celle qui accéderait au trône, mais cette cérémonie avait été créée alors que les héritières pouvaient mourir d'une maladie infantile. Si la première héritière baptisée trouvait la mort avant l'implantation, c'était la seconde fille née, ou l'enfant parente la plus proche, qui prenait sa place et récupérait également son nom, un second baptême n'ayant pas lieu. Une seconde cérémonie de baptême n'était organisée que si l'héritière baptisée avait également subi l'implantation. Dans ce cas, son nom disparaissait dans la tombe, avec elle, et la seconde née était baptisée, peu importait son âge, puis subissait l'implantation. Ensuite venait le mariage. Ce n'était pas réellement une cérémonie liée à la souveraineté, car il n'y avait nulle obligation d'être marié pour gouverner. Il était cependant mieux vu que la princesse se trouvât un époux avant d'accéder au trône. Cela garantissait la procréation d'une héritière. Finalement, venait le couronnement, L'héritière prenait place à la tête de la planète, à la mort de la reine, ou si cette dernière s'estimait trop âgée pour assurer une bonne gestion. Zélé avait vécu les premières cérémonies. Elle n'aborda pas la question du mariage avec Kawa. Il n'y a pas si longtemps, elle n'aurait eu aucun mal à affirmer auprès de Mimicha ou de sa mère qu'elle épouserait Zoku. Et puis Ormaïn avait fait irruption dans sa vie, les sentiments inconnus étaient nés en elle, et désormais, clamer qu'elle épouserait quelqu'un qu'elle n'aimait pas lui était insoutenable. La prochaine grande et véritable cérémonie serait le couronnement. Zélé savait qu'il serait effectué en l'absence de Zeninouma. Elle connaissait la volonté inflexible de sa mère. Jamais elle n'accepterait de quitter le pouvoir vivante. L'implantation passée, Zélé avait plutôt intérêt de rester en vie. Elle n'avait pas de sœur pour reprendre le statut de dauphine, et sa mère était fille unique. Toutefois, elle ne s'en inquiétait pas trop. Cela faisait des générations que les reines mettaient au monde une seule fille, et c'était toujours cet enfant qui succédait. Aucune d'elles n'avait jamais succombé à quelque mal. Une fois sur le trône, la reine Zélé assisterait au baptême de sa fille aînée, et unique, au moins à ce moment-là, puis à sa cérémonie d'implantation. Le cycle se déroulerait sous ses yeux de souveraine, jusqu'à ce qu'elle meure, et que le peuple assiste à ses funérailles. « Comment définissez-vous vos noms ?» demanda Zélé à Kawa. « Bah, comme ici il y a que des orphelins, des gamins trouvés dans la forêt, on aurait du mal à les baptiser en prenant l'exemple sur les noms de nos vieux, hein. C'est le fruit de l'inspiration du moment. Tu regardes le monde que t'as devant toi et tu sors un nom. »« Et toi, qui a trouvé ton nom ?»« Moi-même, Tatillonne. » lança fièrement Kawa. « Toi ?»« Faut dire que je suis un cas un peu à part. Normalement, c'est sur des nourrissons qu'on tombe dans la forêt. Ils ont pas plus de quelques jours. Moi, je savais déjà parler et j'ai dit comment je m'appelais. » « Mais d'où venais-tu ? » s'étonna Zélé. Ça, c'est le mystère. Je me rappelle plus de mon arrivée ici, hein, j'étais trop petit. Les autres ont déduit que je devais avoir autour de 2 ans. J'ai pas de souvenirs plus vieux. « Ormaïn m'a aussi dit que la résistance était composée de fuyards ?»« Il y en a eu, ouais, mais ça fait longtemps. La plupart sont morts maintenant. C'était avant que les mercenaires changent leur méthode. Aujourd'hui, ils peuvent les traquer. Ceux des camps peuvent pas leur échapper. » Zélé pensa qu'il était peut-être douloureux pour Kawa de repenser aux tristes circonstances qui l'ont conduit à vivre dans les galeries, et elle changea de sujet sans avoir à réfléchir plus longtemps. Elle ne cessait de penser aux chaleureuses retrouvailles entre Ormaïn et Kawa, et sa curiosité était trop forte pour être réfrénée. Elle voulait en savoir plus sur eux deux. « Tu t'entends très bien avec Ormaïn. Vous semblez être proche. Je me trompe ?» Il était difficile de tomber plus juste. Il n'y avait aucun mérite. La complicité entre Ormaïn et Kawa était évidente. Ils s'adoraient comme deux frères, mais l'opposition anatomique prouvait que le sang n'était pas à l'origine de leur lien. Je veux. Non seulement c'est lui qui m'a trouvé, mais c'est aussi lui qui m'a élevé. Il t'a trouvé élevé, tu dis, mais comment? Ouais, enfin, il n'était pas seul. Hein. Xenia aussi, forcément, remarque. Une femelle dans les galeries, tu peux être sûr que tout le monde lui refourguait les gosses à élever. Il paraît qu'elle m'adorait. J'ai pas trop de souvenirs, hein. Elle n'est pas restée un an, alors tout ça, c'est vague. Et Makirada, alors là, le trou noir. Éberlué, Zélé tentait de suivre et de comprendre ce que Kawa lui disait, mais ne parvenait pas à joindre dans un ensemble cohérent ses propos. Il parlait de lui comme d'un tout jeune enfant, découvert par Ormaïn, qui était avec Xenia, et puis voilà qu'il citait le nom de leur fille Makirada. Le Nikéen lui précisait que les circonstances qu'il relatait étaient plus les dires qu'on lui avait racontés en grandissant, car sa mémoire lui faisait majoritairement défaut pour cette époque. Kawa enchaîna pour dire qu'Ormaïn l'avait élevé du mieux qu'il avait pu, après le départ de Xenia et de sa fille, et cela expliquait le profond lien qui les unissait à présent. Bien avant la fin de sa croissance, il dépassait son père adoptif, et il apparaissait étrange que ce fût le petit qui donna des ordres au plus grand. Kawa, dans son adolescence, avait eu beaucoup de mal à se soumettre à cette autorité. Bien qu'il ne fît rien de méchant, il n'écoutait plus les demandes d'Ormaïn, ni celles de personne, il agissait à sa guise. Ça doit faire sacrément mal, ton truc. Son compagnon parlait depuis un moment, et Zélé se perdait en réflexion encore, et toujours sur comment Ormaïn avait pu connaître Kawa enfant, et à la fois être père à la même époque, et se bagarrait mentalement avec la connexion de son implant U qui ne le laissait pas effectuer autant de tâches qu'elle l'aurait souhaité. La remarque de Kawa l'attira de ses pensées, et elle tenta de reprendre le fil de la conversation. Quoi donc ? De se faire visser une pierre en plein dans le bras. Ce n'était pas une partie de plaisir, je te l'accorde. Pourtant, à te regarder, je relativise. Ça ne me paraît pas grand-chose comparé à ce que toi tu as subi. Les yeux intrigués de Zélé se posèrent sur les nombreuses cicatrices qui parcouraient le torse nu de Kawa, comme pour répondre au regard interrogateur que lui avait lancé le Nikéen. Ça peut avoir l'air impressionnant, mais c'est rien, hein, vraiment. Fausse modestie, oui. Fais voir ta perle. Doucement, Kawa prit le bras de gauche de Zélé et le porta au niveau de ses yeux. Il scruta la perle, mais ne put voir la chair autour. Tout le bras était entièrement masqué par le long cylindre sculpté qu'était son bracelet. Il finit par prêter attention aux dessins gravés dans l'or et le cuivre du bijou. Ces dessins lui étaient familiers, plus que familiers même, il avait grandi avec. La mémoire lui revint subitement. Kawa saisit la main de Zélé et se mit à courir le long du tunnel, à droite puis à gauche, sans réfléchir. Il savait exactement où il allait. Zélé, à bout de souffle, suivait avec peine le rythme des longues jambes musclées de son guide, habitué à la pesanteur nichéenne. Quelques noctambules ou insomniaques les regardaient passer à toute vitesse, pensant sans doute qu'il s'agissait là d'un jeune couple amoureux. Impossible. Aucune femelle ne faisait partie de la résistance. À moins que... Kawa et Zélé se promenaient depuis longtemps, et ils s'étaient bien éloignés du point d'arrivée du trio de nombreuses heures plus tôt. Les autochtones qu'ils croisaient n'avaient pas tous assisté au banquet. Seules des rumeurs avaient dû leur parvenir. Ils n'étaient pas encore au courant de tout. Par contre, ils savaient tous sans exception que l'un des leurs, Ormaïn, avait disparu depuis des lunes, et qu'il avait toujours dit qu'il retrouverait son épouse et sa fille, et qu'il était de retour, accompagné d'une femelle. Aurait-il retrouvé l'une des deux ? À force de courir, Zélé sentait ses jambes se dérober sous elle, et elle n'était pas sûre de pouvoir se soutenir encore longtemps. Kawa lui assura qu'ils étaient bientôt arrivés. Leur course se stoppa net, dans une impasse. Le passage devant eux était bouché, le tunnel était encore en construction, des pelles et des pioches étaient appuyées contre la paroi. Zélé eut à reprendre son souffle avant de pouvoir articuler. « Super, tu me traînes jusqu'ici en me disant qu'on est bientôt arrivé et tu te perds en route. Je suis trop fatiguée pour faire demi-tour, je ne bouge plus. » Comme pour illustrer sa résolution, Zélé s'assit sur une pile de gravats et s'adossa au mur de terre. « T'as pas besoin d'aller plus loin, je me suis gouré nulle part, c'est là que je voulais te montrer quelque chose. » La princesse redressa la tête, qu'elle avait appuyée contre la paroi, et lui adressa un regard perplexe. Kawa s'approcha de l'amas de terre, qui bouchait le tunnel, et gratta la surface avec ses griffes. « L'avancée des travaux dans cette galerie a été stoppée parce qu'on ne peut plus piocher. »« De la roche ?» demanda Zélé. « Non, pas cette fois. » La terre s'effritait au passage des mains de Kawa, et bientôt le bruit feutré de son geste se transforma en un crissement de gris sur du métal. La terre et l'humus révélèrent une couleur plus claire, et réfléchissant les flammes de la torche, une couleur cuivrée. Zélé s'était levé et aidait le Nikéen à découvrir la surface lisse. « Qu'est-ce donc ?» demanda Zélé. « Le truc qui nous empêche de continuer à creuser. »« C'est une paroi de cuivre ?»« Comme ton bracelet, tu vois, ça en a tout l'air. » dit Kawa. Ils continuèrent de dégager la terre des murs de cuivre qui couvraient tout le diamètre de la galerie. Des symboles, comme Kawa s'en souvenait, étaient gravés dans le métal. Il y avait aussi diverses pierres précieuses qui ornaient les dessins, majoritairement des rubis d'une parfaite pureté. « Ces symboles ?»« Comme sur ton bracelet. Qu'est-ce que ça veut dire à ton avis ?» Il y a une langue commune dans ton univers ? Oui, non, c'est-à-dire, oui, il y a une langue commune, mais elle a été créée et ça n'a rien à voir. Ceci, ces symboles-là, ce sont des lettres de l'alphabet upléen. Mon bracelet se passe de génération en génération, il en existe deux, pour que la reine et l'héritière portent chacune le leur. Une fois la perle de rubis implantée, nous n'avons plus le droit de le retirer. C'est une mort morte qu'on nous le retire. Moi, je porte celui de ma grand-mère, la reine Zewalkobi. Mais ça dit pas où est le rapport entre ton bracelet et ce truc qui bouge la galerie. Si ça fait partie de ton alphabet, tu peux lire. Tu sais ce que ça veut dire? Non. Le plus étrange, c'est que ce sont bien nos lettres, et pourtant, ce n'est pas ma langue, je ne peux pas lire cela. Pour le peu que je vois, en tout cas. Zut, j'aurais cru que t'aurais pu m'aider à déchiffrer mon carnet. Quel carnet? De quoi parles-tu? Je croyais que vous ne saviez pas écrire, s'étonna Zélé. Bah oui, c'est le cas, on sait pas. Quand on m'a trouvé bébé à l'extérieur, il y avait un carnet avec moi. Des pages entières remplies de ce même charabia. Des symboles comme ça. Je suppose que ça aurait été trop beau que tu puisses enfin me dire ce que ça raconte. Je pourrais tout de même y jeter un coup d'œil. Tu me le montreras quand nous rentrerons. T'as pas besoin de demander, hein, c'est moi qui m'empresserai de te le refiler. Ils se remirent à dégager la terre pour révéler toujours davantage la surface cuivrée et pour se rendre compte de ce qu'ils avaient devant eux. Malgré l'étroitesse du tunnel, Zélé pouvait constater un léger arrondi, et ils mirent à nu de nouveaux symboles et des pierres précieuses incrustées dans le métal. La surface est concave, c'est, on dirait, une... Colonne ? Tu crois que ce sera un bâtiment ou quelque chose du genre ? Ce sont des vestiges, à mon avis. Il y a des impacts, des rayures. Ce devait être un monument qui se trouvait autrefois à la surface. Étant donné l'arrondi, ce doit être une colonne vraiment très large. À quelle profondeur nous trouvons-nous ? Demanda Zélée. Justement, jusqu'ici, on n'avait jamais rencontré ça. Mais c'est depuis qu'on creuse plus profond qu'on fait des galeries adjacentes et des étages qu'on tombe sur de tels bouchons. Mais d'où ils viennent ? Les plus vieux qu'on a ici savent pas ce que c'est. Ils comprennent pas c'est quoi les symboles. Et j'ai même demandé à des types dans les camps, je leur ai montré des morceaux qu'on a réussi à détacher, ils savent pas. Par contre, ça, tu le gardes pour toi. Tu dis pas à Ormain que je suis allé causer aux esclaves de là-haut. On doit faire profil bas. En tant que résistant, il faut pas que les autres sachent qu'on existe. Pourquoi ? C'est Dona Zélée. Pourquoi ? Parce que sinon, ils voudraient tous venir se planquer sous terre et que les mercenaires, aussi abrutis qu'ils peuvent être, ne mettraient pas longtemps à piger ce qui se passe. Zélée tomba à terre, lasse. Ce relâchement des muscles n'était pas dû à son complet épuisement, mais plutôt dû à la totale stupéfaction qui l'avait saisie. D'abord, Ormain débarquant de nulle part dans son oasis et qui lui criait qu'il y avait de la vie sur Nikéas, la planète émeraude, la planète supposée morte et refroidie. Et finalement, en tentant une excursion, il découvrait la vie, des êtres similaires à Ormain, des êtres tant semblables aux Nifiens du Pléas. Et maintenant, comble du saisissement, un mur de cuivre incrusté de précieux rubis décoré de symboles upléens brillait devant elle. Sa main à plat contre la paroi, elle pouvait sentir la froideur du métal contre sa paume. C'était bien réel, ce mur existait. L'empêchait-il d'avancer ou au contraire, l'aidait-il à faire un pas de plus dans la compréhension de ces coïncidences invraisemblables? Une larme coula le long de la joue de Zélée. Elle était à bout de force, ses nerfs à les lâcher. Cette aventure qu'elle avait désirée la fatiguait trop. Elle avait faim et sentait que son implant était à court de source d'énergie. Pour économiser la dionine qu'il restait, elle se contenta de deux tâches simples. Elle ne pouvait pas se permettre davantage. Elle ne savait plus quoi penser, elle ne savait plus où elle était. Kawa s'approcha d'elle. « Ça va ?»« Oui, oui, ça va. Ça va passer, c'est juste que... ça fait tellement de... je ne sais plus où j'en suis. Regardez-vous. Vous, Nikéens, vous êtes presque pareil que nous. »« Je dirais exactement pareil. » Exact. Oh non, tu as bien vu Zoku. Lui, c'est un Upléen. Donc, chez vous, les mâles ont la peau verte et les femelles la peau bleue ? Tenta de comprendre Kawa. Non, non, elles ont la peau verte aussi, oui, bien sûr. Mais toi, tu n'es pas Upléenne ? S'étonna Kawa. Interdite, Zélée le regarda, larmoyante. Ses larmes redoublèrent, mais elle essaya de se contrôler. L'heure n'était pas au sanglot. Elle était à bout, mais il fallait encore faire montre d'un peu de force. Elle aurait dû s'en douter. Elle avait dû justifier son aspect auprès d'Ormain lors de leur rencontre, il fallait s'attendre à ce que la question fût renouvelée en compagnie d'un autre Nikéen. J'ai dit quelque chose qu'il fallait pas ? S'inquiéta Kawa. Non, ce n'est rien, ta remarque est légitime. En fait, c'est moi qui ne suis pas normale. Ma peau est bleue parce que je suis malade. Je suis comme ça depuis ma naissance, aucun médecin ne sait ce que j'ai. Mais ça te fait souffrir ? T'as pas la tête de quelqu'un de malade ? J'ai besoin d'humidité. Tant que je suis dans mon oasis, c'est un environnement tel que celui-ci, je me sens bien. L'air est plus que convenablement humidifié. N'avez-vous pas accès à l'eau depuis vos galeries ? Ne nagez-vous jamais ? Demanda Zélée. Oh si, on a des ouvertures sur des cavités pour accéder à des poches d'eau souterraines ou qui débouchent sur une rivière. Nager en poche d'eau, c'est quand même plus prudent. On fait ce qu'on veut sans risque d'être repéré. J'aimerais tenter cela, nager dans de l'eau nikéenne. Alors on fera ça. Le regard de Kawa la rassurait et la consolait. Son calme et son assurance l'apaisaient tant. Il se fixait du regard sans ciller. Il n'avait plus rien à se dire en cet instant. Ils restaient ainsi, les yeux dans les yeux, perdus dans leurs émotions, celles de leur esprit et celles de leur cœur. Zélée sentit sa respiration devenir irrégulière et les battements dans sa cage thoracique s'accélérèrent. Elle sentait son implant U l'abandonner. Il n'y avait plus assez de dionine dans son organisme pour qu'il fonctionnât encore correctement. Cette partie d'elle-même allait lui être arrachée, contre son gré. Mais à la différence de ses cours au palais, elle savait qu'elle n'était pas prête de sentir la connexion revenir. Elle disposait encore de quelques instants, et tout serait fini. Elle devrait vivre sans l'artefact jusqu'à leur retour au vaisseau. Elle devrait se contenter des seules actions de son corps et d'une unique pensée dans sa tête, sans pouvoir agir avec. Les hologrammes qu'elle avait placés au palais pour simuler sa présence s'étaient désormais évaporés dans les airs. On prendrait plus ou moins vite conscience de sa disparition. Les servantes, puis les gardes, la chercheraient partout. Sa mère serait mise au courant en urgence, ramenée précipitamment sur Eupléas alors qu'elle se trouvait au cœur du comète. Tout cela parce qu'elle n'avait simplement pas pensé à prendre son sac dans la soute de la Gilgo. Ce n'était pas avec de telles pensées qu'elle pourrait garder la tête froide. Il fallait trouver le moyen de les chasser et de les garder à l'écart. Les yeux de Kawa ne la quittaient pas, et ils lui faisaient du bien. Le Nikea se rapprocha un peu plus d'elle. Elle continuait à le fixer, elle ne pouvait faire autrement. Ils étaient de plus en plus près. Les mains de Kawa glissèrent sur les bandes de cuir de Zélé, de chaque côté de son crâne, et il attira son visage vers le sien, et lorsque leurs lèvres ne furent plus que séparées de quelques centimètres, elle ne put s'empêcher de lui demander, pour être sûre d'avoir compris, et tirer un trait. « Quel âge a Ormaïn ?»« 21 ans. » Le souffle chaud de Kawa enivra ses sens, et elle ferma les yeux. Zélé comprit qu'Ormaïn lui avait donné son âge en année nikéenne. Avec les dernières secondes d'autonomie de son implant, elle fit la conversion en année upléenne. Il avait 32 ans. Elle avança sa tête vers lui à son tour. « Quel âge as-tu ?»« 15 ans. » Avant de rendre définitivement l'âme, son implant retourna la conversion qui correspondait à 22 années upléennes, 3 ans de plus qu'elle. Zélé laissa son visage être entièrement attiré par les bras forts de Kawa et sa bouche sourit tout entière à celle de son compagnon. La lèvre supérieure féminine s'harmonisa avec la lèvre inférieure masculine comme deux pièces destinées à se rejoindre, à se souder. La sensation n'était pas comparable avec celle que la princesse avait pu expérimenter par le baiser d'un upléen. La lèvre et la peau de Kawa étaient infiniment plus douces et souples et avaient un goût exquis. La chaude salive du Nikéen entra en contact avec la sienne, la chaleur de la chimie des deux se propagea dans leur bouche et leur gorge. Cette saveur acidulée, Zélé ne l'avait jamais connue. Aucun échange avec un Nupléen ne lui avait procuré un tel plaisir dans le palais. Ces fluides corporels, qui se rencontraient et devenaient en partie fécondateurs lorsqu'ils étaient mélangés, c'était ce même liquide féminin qui se transformait en poison meurtrier s'il était mis en contact avec une salive masculine issue de la même famille. Le goût était-il le même dans ces cas-là? Mais mal pouvait-il avoir le temps de deviner ce qui l'attendait, ou à peine l'osmose avait-elle commencé qu'il était trop tard? Un baiser si tendre se métamorphosait en baiser mortel. Les paupières closes, cet instant délicieux sembla intemporel, coupé de toute réalité, et pourtant, lorsque leurs bouches se séparèrent, elle se dit que ce langoureux baiser n'avait pas duré assez longtemps. Durant ce contact, elle était parvenue à oublier son implant. Elle ouvrit les yeux à moitié rêveuse. « Je peux venir sur Eupléas ?» demanda Kawa. La respiration de Zélé, qui s'était arrêtée, reprit immédiatement, son cœur bondit dans sa poitrine, et ses yeux devinrent ronds à la même vitesse qu'un sourire lui fendit le visage. Elle se jeta dans les bras de Kawa et l'embrassa sur la joue, n'osant se perdre à nouveau dans un baiser ardent. « Je suppose que c'est oui ?»« Oui, bien sûr !» Ça rassurait les autres de voir que quelqu'un d'ici parte avec vous, je crois. Et je verrai ton monde et m'apprendrai ton étrange langage qui racle la gorge. Je n'ai aucune raison de m'opposer. À ce que tu viennes, tu es libre de décider. Tu vas devenir un véritable ambassadeur. Ambassadeur? Ça me plaît bien. Et alors, vous ne vivez pas sous terre chez toi? C'est à la surface, au soleil? Demanda Kawa. Il faudra sûrement que tu vives dans mon oasis, parce que le climat en dehors sera invivable pour toi. Ormaïn l'a expérimenté. Vous ne tenez pas longtemps. Encore moins longtemps que moi. C'est si horrible. Oui, ça l'est. Même moi, sans mon baume protecteur et ma combinaison, je ne pourrais résister une demi-journée. Parlait épuisée Zélé, car elle était en pleine conscience et ressentait l'absence de son implant. Ses pensées fusaient. Les tâches à exécuter la bombardaient sans qu'elle ne pût évacuer toute cette pression. Elle savait que ça ne s'arrêterait que lorsqu'elle avalerait une pilule alimentaire, pas avant plusieurs heures. Il n'y avait qu'un moyen qu'elle venait d'expérimenter qui la soulageait. Zélé se jeta au visage de Kawa et l'embrassa avidement. Kawa répondit sans mal et tenta de suivre le reste de ses sollicitations. Dans un premier temps, Zélé avait placé ses bras autour du cou de son partenaire, mais bien vite ses mains avaient glissé le long de son torse, de son abdomen et de son entrecuisse. Dès la première caresse sur cette partie intime de son corps, Kawa bondit et rompit l'étreinte. Zélé le fixa, sans comprendre sa réaction. « Quoi? Tu n'as pas envie ?»« Envie de quoi ?»« Comment ça, de quoi ?» Je sais pas, qu'est-ce que tu fais? Ce que je... Tu es vierge? Je piche pas de quoi tu parles. Éberluée, la princesse fit son possible pour se concentrer et comprendre la situation. Tu m'as embrassée, c'est évident que ce n'était pas la première fois. Ouais, j'ai déjà embrassé des femelles des camps. Ça m'est arrivé. Et c'est tout? Quoi c'est tout? Tu cherches quoi, là? Tu n'as jamais eu de rapport sexuel avec l'une d'entre elles, donc? Tenta de comprendre Zélé. Je sais même pas de quoi tu me causes. Assise antérieure face à lui, Zélie n'en revenait pas de devoir parler ainsi avec un individu de son âge. Sais-tu seulement comment sont faits les enfants ? Tu veux un enfant ? Dit Kawa éberlué. Rubis sacré ! C'est vrai qu'entre mâles, vous n'avez pas à vous soucier de la contraception. Ormaïn est parvenu à avoir un enfant, mais c'est à se demander comment c'est possible. Si vous êtes tous ramassés bébés et que vous vous élevez les uns les autres, ce n'est pas si étonnant, en fin de compte, que tu en saches si peu. Et alors, comment ils sont faits ? Avec pareil discours, Kawa avait soif de connaissances, et Zélie dut tenir classe. Son élève était attentif, pas spécialement gêné. Le fameux lien super fort qu'on doit ressentir, ça doit être ça, alors ? Dit Kawa. Quel lien ? Demanda Zélie. On dit qu'une seule fois dans notre vie, on ressent un sentiment fort qui nous lie à jamais avec notre âme sœur. J'ai beau avoir embrassé des femelles des camps, j'ai jamais rien ressenti. Peut-être que si ça avait été le cas, j'aurais fait ce que tu dis, et que j'aurais été comme Ormaïn et Xenia. Ormaïn et Xenia ? Demanda Zélie. Bah oui, ils se sont mis ensemble, ça pouvait être que parce qu'ils étaient âmes sœurs. Mais qui dit cela ? D'où sortez-vous cette histoire d'âmes sœurs ? Sans qui Zélie ? Bah tout le monde ici te le dira, et puis au camp aussi, ils le disent. C'est notre espèce, on est comme ça. On s'attache une seule fois. Kawa venait-il sans le savoir de lui livrer l'explication du sentiment qu'elle avait éprouvé pour Ormaïn quand elle avait posé les yeux sur lui dans la grotte du cratère vert ? Il lui offrait cette explication alors même qu'elle venait de renoncer à lui. Soit c'était ce qu'elle avait ressenti, et ce ne pouvait être réciproque, soit c'était uniquement chez les Nikéens. Les Zélés avaient éprouvé autre chose, et la nature exacte du sentiment demeurait encore mystérieuse. Il doit faire jour depuis le temps que nous sommes partis. Nous n'avons pas fermé l'œil. On rejoint les autres ? Il tendit la main à Zélie pour l'aider à se relever. Bien qu'elle était toute mince, son corps lui semblait fait de plomb en cet instant. La fatigue, le manque d'apport en énergie, la déconnexion du Rezark et la nuit blanche avaient eu raison de ses forces. Kawa n'eut aucun mal à l'attirer contre lui. Main dans la main, la tête de Zélie posée contre l'épaule de Kawa, ils firent demi-tour dans le tunnel et rebroussèrent chemin. Mais contrairement à l'allée, ils avancèrent d'un pas lent. Rien ne pressait. Même si le petit matin devait être levé et qu'ils devaient absolument retrouver leur compagnon, ils n'avaient pas hâte de mettre un terme à leur tête-à-tête. À l'embranchement d'une galerie, Kawa attira Zélie dans une autre direction que le chemin du retour. Qu'y a-t-il ? Un autre chemin bouché à voir ? Mieux. Mais il est tard, Ormaïn et Zoku doivent être réveillés, je croyais que tu voulais les rejoindre. Ça prendra que 2 minutes, ma toute belle. Tatillonne. Zélie remit en question les 2 minutes annoncées puisqu'il leur a fallu bien 6 pour arriver sur place. Dans un tunnel, encore en travaux, où des trous commençaient à être creusés dans le sol plutôt que dans le fond pour approfondir la percée, Kawa souleva une bâche de feuilles séchées, cousues, et montra son trésor à Zélie qui écarquilla les yeux. Autre motif qui arrête les travaux quand on tombe sur ces trucs-là. Ça n'empêche pas d'avancer, mais on ne creuse plus spécialement en avant. On creuse dans tous les sens pour tout retrouver. De nombreux objets, de cuivre majoritairement, mais faits d'autres matériaux aussi, étaient amassés. Des coupes, des chandeliers, de la vaisselle, des couverts, des vases, des bijoux. De nombreux ustensiles avaient pour motif des animaux, ou sinon des fleurs, et des arabesques. Parmi toutes ces merveilles, le regard de Zélie fut particulièrement attiré par un poignard à la lame d'acier torsadé, et aux manches de cuivre et d'or, serties d'un rubis à son sommet. Les armes sur Upléas n'existaient pas vraiment, ni dans les planètes membres du comète. Les peuples constituant cette alliance ignoraient l'envie d'infliger de la souffrance à autrui. Les seules armes que le comète était forcé de produire servaient à sa garde, pour se protéger d'une éventuelle menace d'un monde belliqueux. Jusqu'ici, le comète n'avait jamais eu à livrer bataille. Son unité avait suffi à dissuader les rares tentatives d'agression. Tu crois que... Est-ce que je pourrais le garder ? Aucun propriétaire ne pouvait venir réclamer cet objet. Kawa ne voyait pas ce qui aurait pu retenir Zélie de se faire plaisir en l'emportant. Même si c'était une arme, et que les Upléens, la princesse plus que quiconque, avaient une âme pacifiste, elle trouvait le poignard très beau et travaillé, et qu'il fût constitué de cuivre et de rubis en faisait une pièce tout à fait insolite. Elle le coinça à sa ceinture et sentit la fraîcheur du métal de la poignée contre la chair de son flanc dénudé. Au matin, l'aube aux doigts verts s'étirait au-dessus du voile nocturne et la voûte étoilée s'estompait pour révéler la couleur du ciel nikéen. Les satellites naturels, Nik 1 et Nik 2, demeuraient visibles. Même si la luminosité ne changeait jamais dans les galeries, Ormaïn avait bien senti le temps passer. Il avait largement été en mesure de compter les heures pendant ces nuits blanches. En entendant les premières prémices de l'agitation d'une nouvelle journée, il s'était levé et, dans un baluchon, avait réuni ses affaires. En ressortant de sa chambre, il trouva Zoku profondément endormi, dans la même position que la veille. Il n'avait eu aucune difficulté à trouver le sommeil. Lui. De l'autre côté du paravent, la paillasse de zélée et la pile de couverture n'avaient pas bougé. Son regard suspicieux se dirigea ensuite vers la porte de la chambre de Kawa. Ormain ne se souvenait plus si elle était fermée ou entr'ouverte la veille au soir. Kawa serait-il rentré se coucher, finalement? Et Zélée, où était-elle dans ce cas? Elle ne serait tout de même pas... Incapable de rester sur place sans risquer d'ouvrir d'un coup de sec la porte de la chambre, Ormain sortit du logis en claquant la porte d'entrée derrière lui et faisant sursauter Zoku, qui, après avoir jeté un coup d'œil alentour sans rien remarquer, se rendormit. Juste sur le seuil, Ormain tomba narine à narine avec une vieille connaissance. « Alors, Ormain, tu nous es finalement revenu? Ça fait tellement plaisir de te savoir sain et sauf. As-tu retrouvé Xenia et Makerada ?» Énervé comme il l'était, Ormain avait failli envoyer promener l'importun, le toisant d'un regard mauvais. Honteux de son attitude en lisant l'air surpris de son interlocuteur, il se calma immédiatement. Une conversation sur son retour et à propos de sa famille lui mettrait quelque chose d'autre en tête que le doute d'une liaison si rapidement établie entre Kawa et Zélée. Xenia et ma fille, non, je ne les ai pas retrouvées. Qu'est-ce qui a pu te faire croire ça? Je n'étais pas au banquet hier soir, mais on dit que tu es revenu avec une femelle. Oui, mais elle n'est pas d'ici, ce n'est pas Xenia, expliqua Ormain. Beaucoup ont dit qu'elle lui ressemblait et... C'est vrai, répondit Ormain, qu'on peut leur retrouver des ressemblances physiques, mais je peux t'assurer que ce n'est pas elle. Tu n'aurais pas vu Kawa? Ah si, justement, répondit l'autre. C'est pour ça que j'ai cru que tu avais retrouvé ta famille. Hier soir, j'ai vu passer Kawa et il courait comme un fou avec une fille qui ressemblait tant à Xenia dans ma galerie. Dans ta galerie? Mais que sont-ils allés faire si loin? S'étonna Ormain. Alors ça, ne me demande pas. Il ne devrait pas tarder, de toute façon, Kawa va bien rentrer. Il rentre toujours. Le rassura-t-il. Ne pas s'inquiéter. Tout compte fait, cette conversation était loin d'apaiser les doutes d'Ormain. N'y tenant plus, il franchit à nouveau la porte de leur appartement et ouvrit brusquement celle de la chambre de Kawa. Personne. Le matelas tressé, étalé à même le sol, était vide. Ormain se sentit idiot et referma la porte, avec moins de violence qu'il ne l'avait ouverte. Zoku, au sommeil encore interrompu, se leva de sa couche et sortit de derrière le paravent. « Ormain, que se passe-t-elle ? » demanda Zoku. Ne pouvant toujours pas tirer de conclusion sur la situation, Ormain se contenta de saluer de la main Zoku, comme pour lui dire bonjour, et s'esquiva. Dans la pièce principale, Lupléen évaluait difficilement le temps. Zoku ne savait dire combien d'heures il avait dormi, et si le jour s'était levé à la surface. Mais si Ormain était réveillé, et s'il entendait de l'agitation dans la galerie, sur laquelle ouvrait le logis, c'était qu'il devait faire jour, ou, tout du moins, l'heure de ne plus rester au lit était venue. En tant que bon touriste qui adopte les mœurs locales, Zoku ne se demanda pas s'il était encore fatigué et s'il aurait dormi davantage. Il se leva et rejoignit son hôte sur le pas de la porte. Ormain était resté planté sur le seuil. Il était sorti, ne supportant plus de rester à proximité de la chambre de Kawa, mais une fois dehors, il n'avait su où aller. « Ormain, à quelle heure prenez-vous le petit déjeuner? Je meurs de faim. » Zoku venait de lui donner une raison de ne pas rester en plan. Ormain fit signe à son compagnon de le suivre et l'emmena dans un self-service délivrant le petit déjeuner. Ormain le laissa se servir mais ne piocha rien dans les aliments étalés devant eux. « Ormain, toi ne manges pas ?» lui demanda Zoku. Il hocha négativement la tête. Pour seule réponse, et l'air morose, il suivit Zoku jusqu'à sa table et lui tint compagnie le temps de son repas. Ormain, à votre façon de vous comporter, vous nous rassemblez beaucoup, mais vos habitudes alimentaires changent vraiment beaucoup des nôtres. La princesse Zélée était vraiment gênée hier soir, surtout que les pilules alimentaires sont restées à bord du vaisseau, dit banalement Zoku. Je préfère ne pas parler de Zélée pour le moment, si ça ne t'ennuie pas. Ormain fit son possible pour être le plus cordial dans la formulation de sa demande. Zoku ne décela pas le ton cassant, mais ne comprit pas non plus pourquoi le Nikien était avare en parole ce matin. Zoku prit sur lui de faire la conversation. Ormain, sur Upléas, les banquets ont disparu depuis 12 règnes. L'alimentation est devenue un acte privé réalisé en famille. Puis il a pris un côté de plus en plus intime et finalement, une fois la nourriture remplacée par des pilules, c'est devenu un acte complètement isolé. On gomme sa pilule et hop, c'est bonne. Plus de soucis à se faire pour le reste de la journée. Je suis scientifique et j'aime la science et les progrès qu'elle apporte. Cela va de soi. Mais je déteste qu'une telle avancée, les pilules alimentaires, soient vulgarisées ainsi. Elles sont supposées permettre aux affamés d'être nourris simplement avec tous les apports nécessaires à leur organisme. Qu'elles soient en vente dans le commerce de planètes développées comme Upléas, où la population mange à sa faim, je trouve cela ridicule. Ce qui aurait pu passer pour un aliment de dépannage est devenu l'aliment de base, le seul qui se distribue. Personne au départ n'avait envie d'avaler une simple pilule au lieu d'un vrai repas, à la place de différentes saveurs à déguster les unes après les autres. Et puis les applications des implants sont arrivées, proposant d'imaginer le goût de ce que l'on souhaitait manger, et on avait l'impression de l'avoir en bouche. Ça a fait littéralement exploser la consommation des pilules dans le comète. Pourtant, je peux te garantir que la simulation du goût générée par l'implant n'est pas parfaite. Et comment une enfant qui n'a jamais rien mangé de réel peut-elle s'imaginer le goût de quoi que ce soit en avalant sa pilule? Je t'ennuie avec ces réflexions, n'est-ce pas? Je te prie de m'excuser, je me laisse un peu trop emporter parfois. Conclut Zoku. En tant que Nikéen se situant encore à l'âge de pierre, Ormaïn avait un peu de mal à s'y retrouver dans les niveaux technologiques. Il ignorait l'histoire des avancées scientifiques et ne savait pas quelle invention était arrivée avant une autre, les influences qu'elle avait eues sur les mœurs et comment, à elles seules, elles étaient capables de changer tout un monde, tout un mode de vie. S'il en jugeait par ce que venait de lui dire Zoku, les pilules alimentaires seraient à peine antérieures aux implants. Et les vaisseaux spatiaux? Il fit une recherche via son implant sur le Rézark. Pour un être habitué à l'utilisation de son implant, le seul fait de se poser une question amenait la réponse. En une fraction de seconde, la pensée recherchait et trouvait la réponse à peine la question s'était-elle formée dans l'esprit. Pour Ormaïn, la navigation sur le réseau était plus ardue, et il perdait de sa concentration dans la réalité. En découvrant à quel point les vaisseaux spatiaux capables de voyager d'une planète à une autre, relativement proche, étaient antérieurs aux implants, il se sentit complètement arriéré. Un monde, si ce n'était plus, le séparait de Zélé. Comment pouvait-il avoir imaginé qu'il pourrait convenir à la princesse d'une planète aussi avancée par rapport à la sienne? Ses fentes auditives se firent hermétiques aux discussions de Zoku, et il se morfondit broyant du noir sur sa misérable condition. Dans les tunnels, tous les Nikéens se retournaient sur Zélé quand elle croisait leur chemin. Une femelle ici, dans les galeries. Ça ne s'était pas vu depuis la disparition de Xenia. Ils arrivèrent devant la porte de l'appartement de Kawa et d'Ormaïn, et le beau Nikéen poussa la porte silencieusement, se demanda si son colocataire et leur invité dormaient encore. Personne. La chambre d'Ormaïn était ouverte. Le paravent qui séparait les paillasses de Zoku et celle inutilisée de Zélé avait été rangé à sa place. « Où sont-ils ? » demanda Zélé. « J'irai parti prendre le petit-déjeuner. Suis-moi. » À cette évocation, Zélé eut un léger mouvement de recul, mais bientôt son manque d'énergie la poussa à se dire qu'elle aussi avait besoin de se sustenter, sans plus tarder, et à faire fi des convenances. Elle emboîta le pas de Kawa, quand il se rendit dans la pièce où ils avaient célébré le retour d'Ormaïn la veille au soir. L'immense salle du self-service pour le petit déjeuner était presque déserte. Quelques groupes épars avaient fini leur repas et s'attardaient en bavardage. Zoku avait un plateau rempli d'assiettes et de bols, tous presque vides. Ormaïn était décidé à piocher dedans, sans grand appétit. Alors les petits vieux, bien dormis? Princesse Zélé, la visite fut-elle intéressante? Demanda Zoku. Zoku, beaucoup oui. Regarde ce que je rapporte. De la colonne géante au bibelot déterré en passant par les symboles upléens ornant les vestiges, Zélé raconta toutes ses découvertes à Zoku en upléen, piquant du bout d'une griffe quelques aliments et les consommant sans gêne sous le regard médusé de son congénère. Ormaïn suivait la conversation grâce à son implant. Kawa, lui, les écoutait sans rien comprendre. Ormaïn s'en aperçut. Il ne put s'empêcher d'esquisser un sourire vengeur en voyant l'air perdu de son camarade. C'était donc cela qu'ils avaient fait toute la nuit. Mais ce n'était pas pour autant qu'ils se sentaient rassurés. La complicité unissant Zélé et Kawa semblait plus forte en moins d'un jour que celle qui le liait à la princesse après des semaines passées tous les deux ensemble dans le cratère vert. Ces vestiges, il les avait vus lui aussi. Il en avait connaissance et pourtant il n'en avait jamais soufflé mot à Zélé pendant qu'ils étaient sur Upléas. S'il les avait évoqués, s'il lui avait tout raconté de la vie souterraine, peut-être aurait-elle été moins intéressée par une visite nocturne au bras de ce bel âtre. Et comment pouvait-il avoir de telles pensées au sujet de Kawa? Il était son frère, il avait toute confiance en lui et il ne pouvait pas dire que son comportement envers Zélé le surprenait. C'était un séducteur, son charme inné séduisait toujours du premier coup. J'ai fait un baluchon. Nous repartons quand tu le souhaites, Zélé. En prononçant ces mots, Ormaïn s'était levé de table et se dirigeait, déjà, vers la sortie du réfectoire, comme si leur départ devait se faire dans les 5 prochaines minutes. « Repartir? Quand et où, Ormaïn ?» s'étonna Zélé. « Sur Upléas, on ne va tout de même pas rester infiniment ici. Je t'ai prouvé que c'était bien ma planète, que j'avais raison, que ta planète émeraude est bien manichéas. « Mais nous ne sommes arrivés qu'hier, » dit Zélé. « Le coin a beau être peu fréquenté par les mercenaires, il ne faut pas non plus abuser. Comme je le disais à Zoku avant que vous arriviez, le vaisseau risque d'être découvert, on ne peut rester plus longtemps, le temps presse. » Justement, parlons-en des mercenaires et de leur oppression. Je n'ai rien vu de tout ça. Et si nous devons vous libérer, il faut bien que je sache de quoi il en retourne et... commence à expliquer Zélé. Nous libérer? C'est donc décidé, Tatillon? S'enthousiasma Kawa. Bien sûr, Kawa, je veux vous aider, c'est tout de même pour cela que je suis venu. Si Nikias est à la solde de je ne sais quel profiteur, Eupléas et le comète se doivent de vous libérer. Il faut que je puisse rendre compte de la situation. Vous devez me conduire à un camp de... d'esclaves... et je pourrais constituer un véritable dossier avec des preuves. Waouh, j'admire ton engagement auprès de notre cause, Tatillon. Zélé ne releva pas d'enthousiasme de Kawa. Elle fixait Ormaïn d'un air interrogateur. Elle ne comprenait pas son soudain changement de comportement. Ormaïn, pourquoi veux-tu partir si vite? Tu te moques des mercenaires, c'est toi qui as l'idée de les trouver pour récupérer des informations sur ta famille. Sérieux, vieux? Tu veux t'infiltrer chez les mercenaires pour choper des infos? Et c'est moi la tête brûlée? S'indigna Kawa. Tu n'as rien à voir dans cette histoire, Kawa, alors ne t'en mêle pas, dit sèchement Ormaïn. Je suis résistant comme toi, j'ai mon mot à dire. La tension entre Kawa et Ormaïn, mais surtout chez Ormaïn, montait. Au fur et à mesure de la conversation, Zoku avait senti que son implant traduisait de moins en moins les dialogues nikéens, et pendant ce dernier échange, plus rien ne lui avait été transmis en nupléen. Il avait totalement perdu la tournure de leur discussion. Les mélodies qui parvenaient à ses fonds auditifs s'étaient faites plus graves et virulentes, comme si des arguments fusaient. Il lui semblait avoir manqué une étape. Qu'est-ce qui pouvait animer autant Kawa et Ormaïn? La conversation, quand elle était encore intelligible pour lui, était intéressante, et désormais qu'il avait perdu son implant, elle virait aux enfantillages. « Princesse Zélé, pouvez-vous m'éclairer? Je crois que mon implant est à court de dionine, je ne comprends plus ce qu'ils disent. » Zoku, Ormaïn demande à ce que nous repartions maintenant. » expliqua Zélé. « Princesse Zélé, n'est-ce pas ce que nous devions faire? » Les deux Nikéens continuaient à se quereller. Zélé essayait de s'en concentrer pour ne pas écouter ce qu'il disait. Zoku, lui, n'avait aucun mal à faire abstraction de cette langue qui n'était qu'une musique. Zoku, tu ne vas pas t'y mettre aussi? Nous sommes sous terre ici, nous n'avons encore rien vu de la surface. Je dois récolter des preuves sur les activités des mercenaires, des camps dans lesquels vit le garde les Nikéens esclaves, expliqua Zélé. Princesse Zélé, vous avez raison, mais la Gilgo risque d'être découverte, on ne peut se permettre de rester plus longtemps. Zoku, pense à eux, j'attends prie. Tu es le pilote, je n'ai pas le choix, je dois te suivre, mais réfléchis. Prévenir le comète avec des preuves et des informations sur l'ennemi à combattre nous fera gagner un temps précieux. Jamais je ne serais prise au sérieux si je devais simplement m'appuyer sur les dires d'Ormaïn. Même la reine serait capable de penser qu'il fabule. Princesse Zélé, vous êtes ma future souveraine, c'est à vous que j'obéis. Je décollerai quand vous m'en donnerez l'autorisation. Au grand dam d'Ormaïn et au grand plaisir de Kawa, il fut décidé qu'il resterait encore le temps de visiter les camps des esclaves et d'espionner les mercenaires, afin de ramener les preuves concrètes sur Eupléas. Bien, nous irons à la surface cet après-midi, voir les camps. La princesse semblait satisfaite et n'attendre l'avis de personne sur le programme de la journée. Kawa, peux-tu me montrer le carnet dont tu me parlais? Demanda Zélé. Bien sûr, ma toute belle. J'allais te le proposer. Il est à l'appart. Zoku, peux-tu me prendre un peu de tout ce qui est proposé au self, que j'aille l'emporte? J'avais continué à manger au fur et à mesure que mon œsophage se libère. L'Upléen était interloqué sur cette subite libération de la consommation de nourriture en public de sa future souveraine. Mais il valait mieux cela que de la voir dépérir ou s'isoler dans un vestibule pour avaler une ou deux bouchées. Dans sa chambre, Kawa sortit le carnet d'une boîte dans laquelle son héritage était précieusement mis à l'abri. En revoyant le carnet, la mémoire revint à Ormaïn. Il avait totalement oublié cet objet dont il n'avait jamais compris l'intérêt. L'écriture sur les résistants n'existait pas, et les rares livres découverts lors des prolongements de galeries étaient entassés sans que l'on ne leur prêtât attention. Personne ne savait déchiffrer ces symboles, il était inutile de s'attarder davantage sur eux. Kawa, par contre, avait été trouvé avec un carnet à côté de lui, et son aspect prouvait qu'il n'était pas aussi ancien que les ouvrages habituellement déterrés. Zélé le prit précautionneusement des mains des Kawa et l'ouvrit. Ses pages jaunes étaient très fines et sentaient le moisi. C'est écrit à la main, c'est de l'Upléen écrit à la main, s'écria Zélé. De l'Upléen? Tu veux dire ta langue? Zélé feuilletait incrédule le calepin. Tournant et retournant les pages, ses yeux zigzaguaient sur le papier noirci au graphite. Oui, Je ne comprends pas, on dirait un récit de voyage, il y a une énumération de jours. Cela fait très longtemps que je n'ai pas vu d'écriture manuelle, mais heureusement, c'est extrêmement bien calligraphié. Tu peux nous dire ce que ça raconte ? Demanda Kawa. Princesse Zélé, vous allez devoir lire en uppléen et traduire en ikéen en simultané. Voilà qui m'arrange, dit Zoku. Zélé s'assit sur un tabouret taillé dans un tronc d'arbre. Kawa, Ormène et Zoku s'installèrent auprès d'elle et écoutèrent le récit qu'elle lut et traduisit. Des mots en pagaille sur l'intérieur de la couverture et dans les marges de la première page, ce jeu vauchait presque pour formuler une sorte d'avertissement. Puis des événements étaient relatés au fil des jours numérotés.